J'étais si bête, et ma confiance était si pleine, comme l'arrêt de ton familier du nouveau venu, que je regardais comme un effet de cette facilité d'humeur de maman qui rapprochait tout le monde d'elle, je ne me serais pas avisé d'en soupçonner à la véritable cause si elle ne me l'eût dit elle-même. Mais elle se pressa de me faire cet aveu, avec une franchise capable d'ajouter à ma rage, si mon cœur eût pu se tourner de ce côté-là. Trouvant quant à elle, la chose toute simple, me reprochant ma négligence à la maison et m'alléguant mes fréquentes absences, comme si elle eût été d'un tempérament fort pressé d'en remplir les vides. « Ah, maman, lui dis-je, le cœur serré de douleur, qu'osez-vous m'apprendre? Quel prix d'un attachement pareil au mien? Ne m'avez-vous tant de fois conservé la vie que pour m'ôter tout ce qui me la rendait chère? J'en mourrai, mais vous me regretterez. » Elle me répondit d'un ton tranquille à me rendre fou, que j'étais un enfant, qu'on ne mourrait point de ces choses-là, que je ne perdrais rien, que nous n'en serions pas moins bons amis, pas moins intimes, dans tous les sens, que son tendre attachement pour moi ne pouvait ni diminuer ni finir qu'avec elle. Elle me fit entendre, en un mot, que tous mes droits demeuraient les mêmes, et qu'en les partageant avec un autre, je n'en étais pas privé pour cela. Jamais la pureté, la vérité, la force de mes sentiments pour elle, jamais la sincérité, l'honnêteté de mon âme ne se firent mieux sentir à moi que dans ce moment. Je me précipitai à ses pieds, j'embrassai ses genoux en versant des torrents de larmes. « Non, maman, lui dis-je avec transport, je vous aime trop pour vous avilir. Votre possession m'est trop chère pour la partager. Les regrets qui l'accompagnèrent quand je l'acquis se sont accrus avec mon amour. Non, je ne la puis conserver au même prix. Vous aurez toujours mes adorations, soyez-en toujours digne. Il m'est plus nécessaire encore de vous honorer que de vous posséder. C'est à vous, ô maman, que je vous cède. C'est à l'union de nos cœurs que je sacrifie tous mes plaisirs. Puisse-je périr mille fois avant d'en goûter qui dégrade ce que j'aime. »